Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin que j'ai intitulée « La forêt est-elle en danger ?». Alors je ne suis pas l'auteur de cette chronique, je ne fais que reprendre un article de la lettre 2019 de Vosges Nature Environnement. Mais laissez-moi vous lire donc cet article. Le succès récent du film « Le temps des forêts » diffusé le 15 novembre 2018 à Épinal par Vosges Nature Environnement, celui du livre de Peter Wolleben « La vie secrète des arbres » ainsi que la marche pour la forêt organisée par les syndicats de l'Office national des forêts en septembre et octobre 2018, au cours de laquelle 1500 personnes ont parcouru les forêts françaises pour rallier l'emblématique forêt domaniale de Troncet, dans l'Allier, amène à se questionner sur l'état de la forêt en France, et plus particulièrement dans les Vosges. Les débats issus des projections du film et du rassemblement en forêt de Troncet, à la suite de la marche, ne concernent pas seulement les professionnels de la forêt, mais tous les citoyens soucieux de préserver notre patrimoine naturel, commun qu'est la forêt, en particulier dans les Vosges, qui, rappelons-le, est le troisième département le plus boisé de France métropolitaine, avec un taux de boisement de 48%, allant jusqu'à 70% en zone de montagne. Les questions soulevées sont nombreuses, et quatre thèmes reviennent invariablement. Il s'agit en premier lieu de ce que les représentants de la filière bois appellent la dynamisation de la récolte. Il y a ensuite celui de la préservation de la biodiversité. En troisième, celui du rôle de la forêt dans le stockage de carbone. Et enfin, un sujet qui prend de plus en plus d'importance, celui des aménités, c'est-à-dire des services rendus par la forêt non quantifiables en termes financiers. Alors la récolte de bois. Parlons d'abord de la dynamisation de la récolte. La stratégie générale actuelle est d'organiser les scieries en un nombre limité de grosses unités, d'assouplir la réglementation en matière de gestion forestière et d'inciter fiscalement à la mobilisation de la ressource en bois. Cette stratégie repose sur la mécanisation, abatteuse-porteur, le raccourcissement des cycles forestiers et le reboisement intensif en résineux et veut faire de la biomasse énergie, le nouveau Eldorado pour la production d'électricité ou la fabrication de pellets et de plaquettes destinées au chauffage individuel et collectif. D'où la monoculture de type épicéa et Douglas, bien décrite dans le documentaire « Le temps des forêts ». Ces deux essences sont les plus recherchées par les industriels du bois, alors que la forêt vosgienne se compose essentiellement de sapins et de hêtres, dans la partie montagneuse et de chênes et de charmes en plaine. Par ailleurs, lorsqu'on a affaire à une forêt qui n'est pas un champ d'arbres, deux modes de traitement sylvicole sont pratiqués. Il s'agit de la futaie régulière et irrégulière. Dans le premier, on cherche à obtenir des arbres de tous les âges, à une grande échelle, forêt ou massif forestier, et dans le deuxième, sur une échelle beaucoup plus réduite, de l'ordre de 1 à 10 hectares. Le traitement irrégulier qui évite la rupture brutale des paysages est surtout pratiqué dans les versants et dans les zones protégées, périmètre de captage des sources, zone Natura 2000, réserve naturelle. Actuellement, a lieu un débat pour savoir lequel de ces deux traitements préserve le mieux la biodiversité, mais on manque de données scientifiques précises. Ce que l'on peut dire est que le traitement irrégulier est moins traumatisant pour les peuplements forestiers et plus délicat à mettre en œuvre, car il requiert une expertise avant chaque passage en coupe. Il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle la biodiversité. On distingue généralement trois formes de biodiversité, celle génétique au sein d'une espèce, celle entre différentes espèces et celle au sein des écosystèmes. La forêt se situe dans la troisième catégorie. C'est un écosystème complexe qui comprend de nombreuses espèces. On l'associe aux arbres, mais elle comporte de nombreuses autres espèces vivantes, mammifères, oiseaux, insectes, vers de terre, arbustes, champignons, mousses, lichens et micro-organismes de sol, amibes, bactéries, dont les interactions sont multiples et souvent mystérieuses. L'évaluation de la biodiversité est donc difficile à effectuer et on assimile très souvent la disparition de quelques espèces emblématiques que l'on qualifie espèces parapluies ou de bio-indicateurs et diminution de la biodiversité. Les études scientifiques traitant de la biodiversité forestière ne sont pas nombreuses. Les deux principales, Timan et Hall 2001, Liang et Hall 2016, démontrent que dans un écosystème forestier, plus il y a d'espèces, plus la résistance à la sécheresse et la productivité de la biomasse ligneuse augmente. Une autre étude qui porte sur les oiseaux pointe la baisse des populations selon le milieu naturel. Cette baisse, qui atteint des proportions alarmantes en milieu agricole, est nettement plus limitée en forêt, où l'utilisation de pesticides est en principe interdite. Voilà, alors en ce qui concerne, et pour finir, parce que c'est un article assez long, sur lequel nous avons l'occasion de revenir, est le stockage du dioxyde de carbone, dont on parle beaucoup. Pour contrer les changements climatiques, certains talents sur la forêt, il y a un schéma donc, qui est annexé à cet article et qui dit que plus par les sols et leur végétation, le bilan annuel est négatif puisque 3,2 gigatonnes de CO2 sont rejetées chaque année dans l'atmosphère à l'échelle mondiale. Voilà. Voilà en gros ce problème de forêt. Hein, pour ceux qui auront écouté donc l'émission La parole est à vous, on en a parlé longuement, on en parlera longuement et on en reparlera longuement. Voilà. Eh bien, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.